Né le 22 novembre 1866 à Moscou, en Russie, Vassili Kandinsky est un peintre russe, naturalisé allemand, puis français en 1939. En 1895, alors qu'il se destine à une carrière juridique, Kandinsky fait face à son premier choc artistique. Au cours d'une exposition, il découvre une œuvre du peintre Claude Monet. Kandinsky est alors ébloui par la puissance des couleurs du tableau, sans toutefois en percevoir le sujet. Dès lors, ce dernier abandonne ses études de droit pour l'Académie des Beaux-Arts de Munich, où il se forme aux rudiments de la peinture de 1896 à 1900. Pendant cette période, Kandinsky produit ses premières œuvres et affirme progressivement son style. Il essaie au naturalisme, mais c'est dans la peinture impressionniste qu'il parvient véritablement à s'épanouir. À travers une peinture déstructurée et colorée, inspirée de titres de musique, il fonde l'art abstrait. Parmi les premiers artistes à peindre sans aucune figuration, Kandinsky ne cherche pas à représenter la réalité. Libéré des habituels sujets et objets du monde extérieur, son art se concentre sur les travaux des couleurs et des formes. Durant son existence, Kandinsky participe à la formation de plusieurs groupes artistiques qui vont contribuer à nourrir son art. Le plus célèbre d'entre eux est le groupe du Cavalier Bleu, fondé avec Franz Marc et d'autres expressionnistes allemands. Parmi ses œuvres les plus connues, l'étude de couleurs carrées avec des cercles concentriques. Une œuvre très convoitée dans les écoles, car celle-ci permet aux plus jeunes d'étudier les formes et les couleurs. Hormis son aspect pédagogique, c'est une peinture de 1913 qui est conservée dans un musée en Allemagne. Elle fait partie du courant de l'art abstrait. Elle est faite d'aquarelles, de gouache ainsi que de craie à cire sur papier. Les couleurs sont plutôt chaudes et vives, ce qui semble donner un aspect enfantin. Vassili Kandinsky a voulu transcrire les sons et la musique, ce qui contribue probablement à le mener vers l'abstraction. C'est pourquoi ses compositions semblent si rythmées, Kandinsky disait d'ailleurs que les couleurs sont les touches d'un clavier. Il allait même jusqu'à associer les couleurs à des instruments de musique. Le jaune pour la trompette, le bleu clair pour la flûte ou encore le violet au cor anglais. En règle générale, dans les œuvres de Kandinsky, un certain nombre de caractéristiques sautent immédiatement aux yeux, tandis que certaines sonorités sont plus discrètes et comme voilées, c'est-à-dire qu'elles ne se révèlent que progressivement à ceux qui font l'effort d'approfondir leur rapport à l'œuvre et d'affiner leur regard. Retenons qu'il ne faut donc pas se contenter d'une première impression ou d'une identification grossière des formes que l'artiste a utilisées et qu'il a subtilement harmonisées et mises en accord pour qu'elles entrent efficacement en résonance avec l'âme du spectateur.